Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Étudiante de fin pourcentage. Ah ouais. 4% de 152 euros. Ça fait 6 euros et 8 centimes d'euros. À toi. Le fait 10 sur 128. Ça fait 0,57. Et ouais. Et puis il représente donc environ 57% des classes de la classe. Ah, c'est bon! Et maintenant, on va calculer la qualité de fréquence. Ah ouais. 45% des moutons d'un troupeau sont blancs. Le troupeau comporte exactement 72 moutons blancs. Combien de moutons est composé le troupeau? La proportion de moutons blancs ne s'inspire de deux manières. Analyse derrière votre écran. Eh ouais! Eh ouais, ah, 45 sur 100, ou 72 sur quoi? On a donc soit 45%, soit 72 centimètres. L'égalité des produits en croisant 45%. Ouais. 4 à la suite. 4 à la suite.